Nouvelle en français, volume 1, Voix de l'Amérique, chapitre 6, Entumba Luaba à la VOA. Je peux garantir que le M23 a cessé ses opérations militaires en RDC, de passage à Washington. Le secrétaire exécutif de la CIRGL est l'invité de la Voix de l'Amérique. Il reconnaît que des éléments isolés peuvent continuer à agir sur le terrain, 12 mars 2014. Plus d'un an après la signature de l'accord d'Addis Abeba entre les pays de la région. La région des Grands Lacs est-elle en voie de pacification, professeur Entumba Luaba? Je pense que pour une fois les opportunités sont grandes pour la stabilisation de la région. Il y a d'abord la montée en puissance des forces armées de la RDC. Ils ont défait le M23 et sont en train de détruire les positions des ADF Nalu avant de s'attaquer au FDLR. Il y a aussi l'engagement des envoyés spéciaux comme Marie Robinson, Russ Feingold ou Boubacar Diarra. Est-ce qu'aujourd'hui les trois partis respectent la déclaration de Nairobi, professeur Entumba Luaba? Il y a une forte volonté de la respecter, mais la mise en œuvre a mis du temps. La loi sur l'amnistie vient à peine d'être promulguée à Kinshasa par le président Kabila. C'est ce texte qui constitue le point de départ actuellement. Le mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL a pu se rendre en Ouganda où se trouvent environ 1350 ex-éléments du M23. La même mission a été effectuée au Rwanda où l'on recense un peu plus de 600 ex-23. Ils devront signer une déclaration individuelle dans laquelle ils renoncent à la rébellion. Pour ceux qui ne font pas l'objet de poursuites, je crois qu'ils s'apprêtent à lancer un mouvement politique. Le M23 a-t-il cessé toutes ses opérations militaires en RDC? Professeur Entumba Luaba, actuellement, je peux garantir que le M23, en tant que mouvement, a cessé définitivement ses activités militaires en RDC. On ne peut pas exclure la possibilité de soldats perdus qui sont restés sur le terrain et qui, à titre individuel, se sont probablement engagés aux côtés d'autres mouvements. Que savez-vous de la situation de Sultani Makenga qui serait en Ouganda? Professeur Entumba Luaba, ce n'est qu'il serait. Il est en Ouganda comme l'ont confirmé il y a 3 semaines Bertrand Bizimva et René Abandi. Cela ne pose-t-il pas de problème aux autorités congolaises? Professeur Entumba Luaba, non. Il va s'agir de promouvoir et de renforcer la coopération judiciaire entre les pays de la région. Ceux qui font l'objet d'un mandat devront coopérer entre eux. Je rappelle que la déclaration de Nairobi prévoit aussi l'échange de prisonniers. Pour le moment, ni le M23 ni l'armée congolaise n'ont réclamé quelque chose. Le M23 ne nous a présenté qu'une liste d'une 60aine de noms. Détenus politiques de droit commun, nous allons travailler avec la RDC et le CICR. Pour vérifier cette liste, les Congolais ont vu défiler depuis des années les accords de paix. Sans succès probant, pourquoi celui-ci serait-il différent? Professeur Entumba Luaba, moi-même, j'ai participé à beaucoup d'initiatives de paix, en 2002, en tant que ministre des droits humains. J'ai été pris en otage par Thomas Lubanga, 12 ans après. Nous sommes encore engagés dans le processus mais, pour une fois, il y a un nouvel esprit régional et d'autres opportunités. Il y a de l'espoir et l'horizon s'éclaircit. Les forces négatives appartiennent au passé, propos recueillis par Nicolas Pineau, Goma. Des artistes au service de la paix dans la région des Grands Lacs. Des représentants de la communauté économique des pays des Grands Lacs et de la province du Nord Kivu ont assisté ce mercredi à la clôture des ateliers créatifs Viana Cocorico, 12 mars 2014. Cette journée était marquée par une exposition vente des œuvres d'art produites par des jeunes rwandais, burundais et congolais et par des spectacles de danse à ciel ouvert dans la capitale provinciale. Pendant 21 jours, des jeunes artistes de ces trois pays ont vécu ensemble à Goma, pour échanger leurs expériences et créer des œuvres graphiques sur le thème de la paix. À l'heure où plusieurs groupes armés locaux et étrangers sont encore actifs dans l'est de la République démocratique du Congo, ces ateliers étaient organisés par l'Union de jeunes artistes dessinateurs et peintres dans le cadre du programme Jeunes volontaires pour la paix et la reconstruction des pays des Grands Lacs et initié par la communauté économique des pays des Grands Lacs. Pendant que les autres ont pris l'option de s'exprimer avec leur Kalachnikov, nous avons choisi d'utiliser l'art pour revendiquer notre droit à la paix, a déclaré Thierry Vavéré, coordonnateur des ateliers. Goma accueille régulièrement des manifestations artistiques en vue de promouvoir une culture de paix et de réconciliation à travers le dialogue interculturel. Cette capitale provinciale abrite de nombreux jeunes artistes qui se sont mobilisés pour cette cause ces dernières années, notamment grâce à l'appui de l'UNICEF, d'organisations régionales et du gouvernement provincial. Entre autres entités, nous voulons, à travers la vente commune d'œuvres d'art, dire aux populations de la région des Grands Lacs que nous pouvons non seulement vivre ensemble, mais aussi et surtout gagner ensemble, a souligné Justin Kasereka, dessinateur congolais et directeur artistique des ateliers Viana Cocorico. Nous avons un slogan qui dit que nous utilisons des armes de construction massive, a-t-il dit à La Voix de l'Amérique au terme de l'événement culturel, dont l'objectif était également de montrer aux jeunes qu'ils peuvent s'épanouir à travers l'art, et vivre de leur production en les commercialisant. Résolution sur la Crimée, veto de Moscou, abstention de Pékin. La Russie a mis son veto à une résolution dénonçant le référendum de dimanche en Crimée, et la Chine s'est abstenue, lors d'un vote samedi au Conseil de sécurité, 15 mars 2014. Les 13 autres membres se sont prononcés pour la résolution proposée par les États-Unis, défendant l'intégrité territoriale de l'Ukraine et dénonçant le référendum en Crimée. La décision de la Chine de refuser de suivre la Russie pourrait indiquer un plus grand isolement de Moscou dans son soutien au référendum de demain. Avant le vote de ce matin à New York, l'ambassadeur russe à l'ONU, Vitali Tchourkine, a déclaré qu'il n'y avait pas de doute que Moscou allait voter contre la mesure, l'estimant contraire au principe du droit international. Peu de temps après le vote, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU Samantha Power a déclaré qu'il y avait une forte opposition aux actions dangereuses de la Russie. Demain, dimanche, quelques 1,5 million électeurs de la Crimée, province russophone autonome en Ukraine, sont appelés à se prononcer sur le rattachement de la région à la Russie, Malaysia Airlines. D'autres disparitions étranges. Plusieurs catastrophes aériennes se sont produites dans des circonstances mystérieuses. 14 mars 2014, où est donc passé le Boeing 777 de Malaysia Airlines pour l'heure? Le mystère reste entier. L'appareil s'est volatilisé depuis le samedi 8 mars dernier avec 239 personnes à son bord, mais il ne s'agit pas de la première disparition d'avion. Ce n'était pas un avion, mais la première disparition aérienne connue remonte à 1856 à Cuba. Une montgolfière dirigée par Matias Pérez décolle de la Havane pour ne jamais réapparaître. Mais le cas peut-être le plus raconté jusqu'aujourd'hui, la disparition d'Amelia Earhart, la première femme à avoir volé en solitaire au-dessus de l'Atlantique pour ensuite disparaître dans le Pacifique en 1937. Autre date, autre mystère, le 5 décembre 1945, 5 appareils militaires décollent de la Floride. Plus tard, les pilotes ne trouvent pas où atterrir et sont contraints d'amerrir. L'un des avions partis à leur recherche disparaît également. Des incidents qui sont à l'origine de la légende du triangle des Bermudes. Et maintenant un numéro de vol dit « maudit », le numéro 191. Exemple, l'avion expérimental X-15. Volume 191, s'écrase en 1967, idem pour l'American Airlines 191 en 1979, un crash du cannibalisme. Cela se produit en 1972, un appareil uruguayen s'écrase dans les Andes, 29 morts, 16 survivants. Qui se nourrissent des cadavres des autres passagers, polémique et interrogation. C'est ce qui a suivi la catastrophe du vol des WA-800. Tombé dans l'Atlantique après son décollage de New York en 1996. Explosion en raison d'un court-circuit ou tir de missile accidentel, les questions demeurent. Dans l'Atlantique encore. Un avion d'Égyptair faisant le trajet New York-Le Caire s'écrase en 1999. Tous les 217 passagers et membres d'équipage périssent. L'enquête américaine blâme le copilote, présumé suicidaire, en évoquant son ultime volume mais les Égyptiens, eux, parlent plutôt d'une défaillance mécanique et pour clore cette liste non exhaustive, la disparition de l'Airbus A330 en 2009 dans l'Atlantique, à son bord de 188 passagers et membres d'équipage. Le rapport final indique la confusion totale dans le cockpit après la déconnexion du pilote automatique. La cause, des cristaux de glace ayant affecté les capteurs de l'avion. L'avion de Malaysia Airlines rejoint donc ses disparitions les plus étranges. Des énigmes qui restent à percer.